Jésus, nous voulons t'élever. Qui est comme toi, Père éternel, qui peut se comparer à ta bonté, qui peut se comparer à ton amour. Le mari de veuve, c'est toi. L'eau des oies soifées, c'est toi. L'incomparable Dieu, tu es unique à ton genre, Père, plus que mon âme te glorifie. Notre foi, nous t'exaltons.